Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous soupirons après toi. J'ai soif de toi, Dieu. Mon cœur te désire. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Oh, je ne suis rien, je ne suis rien. Oh, toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien, je ne peux rien. Ma science est sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Mon intelligence est sans toi. Je ne peux rien. Mes finances sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Ma santé sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Mais sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Ma science sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Mon intelligence sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Heureusement, tu as prévu d'envoyer un autre consolateur qui sera avec nous et qui sera en nous. Merci pour l'onction. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton esprit qui est disponible en ces lieux. Merci pour la puissance et la guérison. Merci pour la puissance et la transformation. Merci pour la puissance du miracle. Merci pour la puissance des œuvres infinies. Merci pour la puissance et solution. Oh Dieu, merci. Tu es suffisant en toi-même. Tout est à toi, par toi et pour toi. Et nous sommes à toi, Seigneur. Mais tu désires faire de nous des instruments de ta gloire. Nous voici, Seigneur. Équipe-nous et remplis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous recevons l'homme de Dieu. On l'accueille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moïse a fait une expérience extraordinaire avec Dieu. C'était sa première expérience, son premier contact avec l'onction. Avant ça, alors qu'il était en Égypte, il brûlait d'envie de libérer son peuple. À cette époque, il n'avait pas compris que l'envie n'est pas l'appel. Que le désir n'est pas l'appel. Le désir peut préparer à l'appel. Ça peut être des indices, mais ce n'est pas l'appel. Alors, il désirait tellement voir les Israélites être libres. Qu'il s'est engagé de lui-même, donc de son propre chef, dans le projet de libération du peuple d'Israël. Il a échoué. Non seulement il a échoué, mais il a fui l'Égypte. Et il s'est retrouvé dans le désert de Madian. Et le potentiel libérateur est devenu employé de Jethro. Il a commencé à faire paître le troupeau de Jethro. Et un jour, alors qu'il avait 80 ans, il était en train de faire paître le troupeau. Et il va vivre une expérience extraordinaire. Il entend d'abord une voix qui l'appelle. Moïse. Moussa. Moïse. Moussa. Et la Bible dit qu'il se retourna pour voir la voix qui l'appelait. Et quand il se retourne, il fait face à un spectacle inédit. Un buisson tout en feu qui ne consumait pas pour autant. Un buisson tout en feu qui ne se consumait pas pour autant. C'est pas croyable. C'était son premier contact avec l'onction. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, là où tu te tiens maintenant, c'est toujours sur la terre, mais il y a quelque chose qui fait que ce lieu est différent de là où tu étais. C'est toujours sur la terre. L'onction change la nature des choses. L'onction provoque la conversion des choses. C'est pourquoi l'onction peut convertir tes capacités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le sentiment que là où tu es maintenant, tu es dans une atmosphère différente. Tu es dans une atmosphère différente. Il faut te mettre dans cette disposition d'esprit. Parce que ce que Dieu a à te dire ce soir, pour que rien ne passe à côté, ou du moins pour que tu ne passes à côté de rien. Alléluia. Amen. Le premier jour, il a été question de la nécessité de l'onction. Le deuxième jour, il a été question des trois manières d'agir de l'onction. La révélation, l'influence mystérieuse et les actions puissantes de Dieu. Ça, ce sont les trois piliers dans la façon de faire de l'onction. Prenez la Bible en quelque endroit que ce soit. Partout où l'onction est mentionnée, explicitement ou implicitement, soit elle va se manifester sous la forme d'une révélation, soit sous la forme d'une influence. Et à ce niveau-là, c'est pourquoi nous avons parlé d'influence mystérieuse. Parce que ça peut prêter à confusion. Ça peut choquer la logique humaine. Vous vous rappelez, frère, quand Josué eut le mandat de conquérir Canaan, après avoir traversé le Jourdain, il envoya des espions à Jéricho. Et puis quand les espions arrivent, ils vont chez une prostituée. Ça, c'est l'affaire de l'onction. Parce que d'eux-mêmes, ils savent que la prostituée est impure. Donc d'eux-mêmes, au nom de la sainteté, ils ne mettraient jamais pied chez Rahab. L'onction peut te faire faire des choses que tu ne comprends pas. L'onction peut choquer les gens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et regardez, frère. Ils arrivent chez Rahab. Wanafika kwa Rahab. Mais vous savez pourquoi l'onction les a conduits chez Rahab? Lakini unajua sababu gani upako liwaongoza kwa Rahab? Parce que c'est la seule personne à Jéricho chez qui on peut aller sans permission préalable. Sababu ni mtu mmoja Jéricho ambaye unaweza ingia bila ruhusa. On n'a pas besoin de permission pour aller chez une prostituée. Hauna hitaji ya ruhusa ili uingie kwa kahaba. Et sa porte est ouverte à tout le monde. Na mlango wake unafunguliwa kwa kila mtu. L'onction est sage. Upako ina hekima. L'onction est sage. Upako ina hekima. L'onction, c'est l'orchestration divine. Upako inatokea ndani ya Mungu. Et Dieu peut prendre le contre-pied des dispositions humaines. Na Mungu anaweza kuchanganisha akili ya wanadamu. Dis l'onction. Sema upako. Dis l'onction. Sema upako. Alors ce soir, sasa jioni ya leo, je veux vous parler du potentiel de l'onction. Nitawazungumzia utajiri unayokuwa ndani ya upako. Des capacités de l'onction. Uwezo wa upako. Et du ministère de l'onction. Na huduma ya upako. Pas du mystère. Hapana siri. Mais du ministère de l'onction. Lakini juu ya huduma ya upako. Dis avec moi le ministère de l'onction. Sema pamoja nami huduma ya upako. L'onction a du potentiel. Upako ina utajiri. L'onction a de la capacité. Upako ina uwezo. Et l'onction a un ministère. Na upako ina huduma. Alléluia. Amen. Nous allons voir ces trois choses. Tutaona mambo haya tatu. Sur la vie ou dans la vie d'un être humain. Ndani ya maisha ya mwanadamu. Quel est le potentiel? Comment l'onction comment le potentiel de l'onction est déployé sur la vie ou dans la vie d'un être humain? Le potentiel de l'onction, les capacités de l'onction et le ministère de l'onction peuvent se voir à travers cette façon. Inaweza kuonekana kwa namna saba. Travers cette chose. Tunakuwa na mambo saba. Et je veux les exposer à vous ce soir. Na nitawaambia hiyo leo jioni ya leo. La première chose que l'onction fait. Jambo la kwanza ambalo upako inafanya. Eu égard à son potentiel. Kufuatana na utajiri wake. Eu égard à ses capacités. Kufuatana. Eu égard à son ministère. Kufuatana na huduma yake. La première chose que l'onction fait, c'est que l'onction consacre. Upako inaweka wakfu. Dis amen. Sema amina. L'onction consacre. Upako inaweka wakfu. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Ça veut dire que inamaanisha ya kwamba rien aux yeux de Dieu, hakuna kinachokuwa mbele ya macho ya Mungu, ne peut être considéré comme consacré en dehors de l'onction. Ambo inaweza kuweka wakfu nje ya upako. Homme ou objet, iwe mtu iwe kitu, tout ce qui doit appartenir à Dieu, yote ambayo inapaswa kuwa ya Mungu, tout ce qui doit être utilisé à des fins du royaume, yote ambayo inapaswa kutumiwa kwa ajili ya lengo ya ufalme, doit passer absolument par l'onction. Inapaswa kupitia hakika kwenye upako. La consécration relève de l'onction. Kuweka wakfu inatokea ndani ya upako. La consécration veut dire quoi? Kuweka wakfu inamaanisha nini? La consécration veut dire la séparation. Inamaanisha kutenganishwa. Tout ce que l'onction touche est séparé des autres choses. L'onction consacre, ça veut dire que l'onction sépare. L'onction consacre, ça veut dire que l'onction crée une ligne de démarcation. L'onction consacre, ça veut dire que l'onction met le sceau de la distinction sur quelqu'un. Prenons Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. À partir du verset 1. Ukianzia kwenye mstari wake wa kwanza. à partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Alors, voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile. Des galettes arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique et de la robe de l'éphod. De l'éphode et du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tia sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tia. Verset 7. Tu prendras l'huile d'onction. Et tu en répandras sur sa tête. Et tu loindras. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc l'onction consacre. Dis avec moi l'onction consacre. Dis très fort l'onction consacre. C'est une chose que nous devrons comprendre. Et avec ça nous allons évoluer. La deuxième chose qui relève du potentiel des capacités et du ministère de l'onction, c'est que non seulement l'onction consacre, mais l'onction officialise notre entrée dans le sacerdoce. L'onction officialise notre entrée dans le service de Dieu. L'onction nous qualifie pour servir Dieu. L'onction non seulement officialise notre entrée dans le sacerdoce, non seulement elle nous qualifie pour servir Dieu, mais l'onction détermine le périmètre de notre fonction et de notre mission. Je reprends. L'onction officialise notre entrée dans le service, dans le sacerdoce. Et non seulement l'onction officialise notre entrée dans le sacerdoce, mais elle nous qualifie en déterminant la fonction qui nous est assignée. En d'autres termes, l'onction détermine notre appel. Et en déterminant notre appel, l'onction dessine le périmètre de notre appel. Et donc le périmètre de notre mission. C'est une chose importante à comprendre. Vous êtes ici au Congo. Et vous devriez connaître le mouvement qu'on appelle le branamisme. Je ne sais pas s'il y a des branamistes ici à Goma. En tout cas, presque dans tout le Congo. Hein. Au Congo, en RDC ici. Congo, DRC. Comme de l'autre côté, à Brazzaville et toutes les villes de Brazzaville, du Congo. Brazzaville, kuna kuwa hiyo kituo. Comment est né le branamisme? Il faut noter que Branham a été un grand, grand, grand homme de Dieu. Rarement il y a eu un homme de Dieu de la dimension de Branham sur la terre. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il avait une onction que rarement des êtres humains ont pu avoir sur cette terre. Alikuwa na upako ambao hakuna watu wengi walionayo hapa duniani. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lakini nini ilipitikana? À cause de l'envergure de son onction. Sababu ya ile ukubwa ya upako wake. Il a fini par dévier. Aliishia akapita nje ya njia. Il s'est mis à enseigner. Akaanza kufundisha. Son onction ne lui autorisait pas d'enseigner. Upako wake ilikuwa umruhusu afundishe. Il avait une onction d'évangéliste et de prophète. Alikuwa na upako wa mwinjilisti na nabii. Mais pas une onction d'enseignant. Lakini hapana upako wa mwalimu. D'ailleurs, Branham n'avait pas un grand niveau intellectuel. Hata Branham hakukua na akili sana. Sur le plan intellectuel, il n'était pas avancé. Kwa masomo alikuwa kusoma masomo mengi. Oh, le ministère de l'enseignement a des exigences. Ijapokuwa hutuma ya mafundisho inakuwa na shurti. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas confié ce ministère à Pierre? Unajua sababu gani Mungu akumpatia Petro? Parce que Pierre ne savait ni lire ni écrire. Sababu Petro hakujua kusoma ama kuandika. Mais Dieu a confié ce ministère à Paul. Lakini Mungu alimpatia Paulo huduma. C'est pour ça que Paul a écrit beaucoup d'épîtres. Na ndio maana Paulo aliandika nyaraka nyingi. L'enseignement exige un esprit critique. Sababu mafundisho inasurutisha ukuwe na uchunguzi wa sana. Parce que l'enseignement exige une certaine rectitude dans la pensée. Sababu hii mafundisho inaomba ili ukuwe na wazo ambao unaenda kwa mstari. Et quand Dieu nous appelle, na wakati Mungu anatuita, l'onction qu'il met sur nous, upako anaweka juu yetu, est en rapport avec le mandat qu'il nous confie. Inaambatana na kazi anayotupatia. Si t'appelle en tant qu'apôtre, kama nakuita kama mtume, il te donne une onction d'apôtre. Anakupatia upako. Si t'appelle en tant qu'évangéliste, akikuita kama mtume, il te donne une onction d'évangéliste. Anakupatia upako. Si t'appelle en tant que prophète, akikuita kama nabii, il te donne une onction de prophète. Anakupatia upako. Si t'appelle en tant que pasteur, akikuita kama mtume, il te donne une onction de pasteur. Si tu t'appelles en tant que docteur, il te donne une onction de docteur. Maintenant, si toi en tant que docteur, tu vois le prophète en train d'opérer et libère des prophéties extraordinaires et tu es pris de jalousie ou d'envie et tu veux aussi prophétiser, tu n'es plus dans ton onction, tu n'es plus dans le périmètre de ton onction et tu es en train de faire de la photocopie et la photocopie peut te faire courir d'un danger grave. L'onction détermine notre fonction, l'onction détermine notre appel, l'onction détermine notre mission et le périmètre de notre mission. Branham a commencé à enseigner. Au lieu de se contenter de prophétiser et d'évangéliser. Mais comme à la base, il n'était pas instruit. Il a commencé à dire des bêtises. Et la plupart des gens ici au Congo, au lieu de suivre l'onction prophétique de départ et l'onction d'évangélisation, suivent l'onction des bêtises. C'est-à-dire là où il est allé, où il a dévié. Écoutez-moi très bien. Le jour de la mort de Branham, vous devrez le savoir, il a fait un accident grave. Il était avec sa femme. Un accident grave. Et lors de cet accident, sa femme était morte sur le coup. Lui, il était blessé. Quelqu'un peut dire, pasteur prêche. Est-ce que ce que je dis là vous intéresse? Et ça va aider nos parents qui sont branhamistes. Nos parents qui sont branhamistes et qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Branham a demandé au secours les pompiers qui sont arrivés. Il leur a simplement demandé de faire en sorte que le corps de sa femme le touche. Et vous allez voir quelle onction était sur ce monsieur. Ils ont tiré le corps de sa femme jusqu'à lui. Sa femme était morte. Quand le corps de sa femme l'a touché, la femme s'est relevée. Résurrection immédiate. Mais lui, il était blessé. Et on l'a amené à l'hôpital. Alors quand on l'amène aux urgences, Kenneth Hagen, apprends ça. Ana elewa hiyo. T.L. Osborne. T.L. Osborne. Apprends ça. Naya na elewa hiyo. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Et T.L. Osborne. Na Osborne. Se considéraient comme des fils spirituels de Branham. Walikuwa kama watoto wa kiroho wa Branham. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Il est mort maintenant. Amekufa sasa. Osborne est mort maintenant. Osborne naya ameshakufa. Mais les deux avaient un puissant ministère de guérison. Lakini wale wawili walikuwa na utuma kubwa ya uponyaji. Dieu les avait revêtus Mungu aliwafika nguvu. D'une puissante onction de guérison. Nguvu ya upako uponyaji. Les deux. Wale wawili. Suivez très bien. Mfuate vizuri. Se sont concertés. Waka ongea. Ils ont dit la situation est grave. Na wakasema hali ni ngumu. Branham est entre la vie et la mort. Branham iko kati ya kifo na mauti. Nous allons partir prier pour lui. Tutaenda tumuombe. Ils se mettent dans leur voiture. Wanaingia ndani ya gari. Se mettent en route. Wanaingia kwa barabara. Et Dieu les arrête. Na Mungu anawasimamisha. Dieu dit vous ne mettez pas pied à l'hôpital. Mungu anasema mfikishe mguu hospitalini. Je ne veux pas que vous priez pour Branham. Musiende kumuombea Branham. C'est moi qui ai provoqué l'accident. Ni mimi ndimi niliacha. J'ai décidé d'écourter sa vie pour limiter ses bêtises et ses déviations. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez saisi? Dieu leur dit, n'allez pas prier. Vous savez pourquoi Dieu leur a dit de ne pas aller prier? Dieu aurait pu aller les laisser aller à l'hôpital. Et puis c'est à lui que revient la, non, à lui que revient l'exaucement. C'est lui qui décide d'exaucer ou de ne pas exaucer. Mais on va le voir plus tard. Quand je vais vous parler des spécificités de l'onction. Vous savez quoi? L'onction, c'est un mystère. Une fois que Dieu dépose l'onction sur toi, lui-même Dieu, il ne peut plus te contredire. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Sababu Mungu a nyanganye karama zake. Et de ses appels. Na wito wake. Dieu ne se répand pas. Mungu a nyanganye. De ses dons. Karama zake. Et de son appel. Na wito wake. En fait, pourquoi il a arrêté T.L. Osborne et Kenneth? Sababu gani aliwasimamisha Osborne na Kenneth? Parce que eux là. Sababu wao. Ils ont déjà reçu le mandat. Wameshapokea hiyo kazi. Pour n'importe quelle personne, ils vont prier, la personne sera guérie. Mais Dieu ne voulait pas être confronté à leur ministère. Na Mungu alipenda hakupenda pingane na huduma yao. Cette affaire est sérieuse. C'est une affaire sérieuse, l'affaire de l'onction. Inakuwa jambo la hatari upako. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa. Quand Dieu met l'onction sur toi, wakati Mungu anaweka upako juu yako, premièrement, il te consacre. Kwanza na kuweka wakfu. Deuxièmement, il t'introduit dans le ministère. Ya pili na kuingiza ndani ya huduma. Et en t'introduisant dans le ministère, na kuingiza ndani ya huduma, il détermine ta fonction. Anaonyesha kazi yako ni gani. Ta mission. Anaonyesha utakayofanya. Et le périmètre de ton action. Na uwanja wa kutumika kwako. Au fond, kwa ndani, c'est parce que Élie, ni sababu Elia, avait une onction prophétique d'une certaine dimension. Alikuwa na upako wa kinabii wa kiwango cha juu. Que des fois, ndio maana, il agissait presque par arrogance. Mara alikuwa akitenda kwa kiburi. Il agissait presque par arrogance. Alikuwa anatafuta tenda kwa kiburi. Vous savez pourquoi? Unajua sababu gani? Élie se présente à Akab. Elia anakuja mbele ya Akab. Élie dit à Akab. Na Elia anamwambia Akab. Il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Siseme hivi kwa jina la Bwana. Il dit ne pleuvra pas. Anasema mvua itanyesha. Sinon, kama haiko kwa neno langu. Il mentionne pas Dieu. Haitie Mungu hapo. Pourquoi? Sababu gani? À cause de ce que Dieu a déjà libéré l'onction sur sa vie. Sababu Mungu ameshatilia upako juu ya maisha yake. C'est un mystère. Ni siri. Je suis en train de prier. Niko naomba. Pour qu'à l'issue de cette convention, ili mwisho mkutano huu, que tu sois oint. Upakwe mafuta. Je refuse cette acclamation. Nakatai kushangilia. Un élément mystérieux de l'onction, c'est que une fois que Dieu te donne l'onction, c'est comme si l'onction devient ta propriété. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec l'onction. Mais tu peux faire tout ce qui rencontre la volonté de Dieu avec l'onction. Et tu peux le faire avec une grande marge de liberté. C'est ainsi que Élie opérait avec cette liberté. Il regarde Akab. Anamwambia Akabu. Il dit, c'est à ma parole seulement. Anasema ni kwa neno langu tu. Mais Élie, tu es qui? Elia, wewe ni nani? Tu es juste un être humain. Si wewe ni mwanadamu tu. Et puis tu dis, à ta parole. Dis au moins au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel. Au nom de Dieu. Mais il n'y a rien de tout ça là. À ta parole. Oui, je suis un mortel comme tout le monde. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais je ne suis pas comme tout le monde. Parce que je bénéficie d'une rallonge surnaturelle. Parce que je bénéficie d'une rallonge surnaturelle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'onction officialise notre entrée dans le ministère. Et ça, c'est quelque chose que nous devrons comprendre. C'est pour ça que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que les trois catégories de personnes les plus actives étaient les seuls à recevoir l'onction. Les rois, les prophètes, et les sacrificateurs. Et puis de façon exceptionnelle, des gens que Dieu avait décidé d'utiliser d'une façon ou d'une autre, Dieu leur accordait l'onction. Parce que l'impartation de l'onction relève de la souveraineté divine. En règle générale, sous l'ancienne alliance, seuls les rois, les prophètes et les sacrificateurs pouvaient être oints. Mais je suis là pour vous dire que Azazael, le roi de Syrie, a été oint. Je suis là pour vous dire que Cyrus a été oint. Et je suis là pour vous dire que Bethsalil a été oint. Pourquoi? Parce qu'il devrait faire certaines choses de façon spéciale. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est fait sans onction dans la maison de Dieu n'est pas approuvé par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Et la Bible dit par ailleurs, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est émanation de la chair et du sang. En d'autres termes, tout ce qui émane de nos sept ressources et qui ne peut pas être attribué à l'onction de Dieu, Dieu n'acceptera jamais d'y apposer sa signature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je parle à quelqu'un ce soir, dis un amen véritable. Premièrement, l'onction consacre. L'onction consacre. C'est le point de départ. Toute onction sur ta vie te met à part. Et à partir du jour où l'onction touche ta vie, Même si tu n'as pas d'argent, ne te comporte pas comme tout le monde. Même si personne ne te considère, toi, considère-toi sous la couverture de l'onction. Personne, les gens peuvent ne pas respecter ton onction. Mais toi, respecte ton onction. Est-ce que tu peux respecter ton onction? Si tu sais qu'il y a l'onction sur ta vie. Si tu sais qu'il y a l'onction sur ta vie, l'onction pour prophétiser, l'onction pour évangéliser, l'onction pour exhorter, l'onction pour chanter, l'onction pour faire ci, pour faire ça. Si tu es convaincu de toutes ces choses, tu ne les fais pas avec la force naturelle, mais tu sens la présence de l'onction sur ta vie. Écoute-moi très bien. Respecte cette onction parce que l'onction te consacre et l'onction délimite ta fonction, délimite ta mission, délimite ton champ d'action. L'onction te qualifie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Élie, après avoir essuyé beaucoup d'épreuves, fatigué, avait dit à Dieu, il faut me prendre. Dieu lui-même était fatigué des plaintes d'Élie. Vous savez ce que Dieu a dit à Élie? Je désigne trois personnes que tu dois oindre. Avant de partir, il faut oindre Azaël, le roi de la Syrie. Il faut oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et il faut oindre Élisée pour qu'il te remplace. Parce que sans onction, tu n'as pas le droit d'entrer dans le ministère. Est-ce que vous savez que de nous-mêmes, nous sommes capables de faire certaines choses? Quelqu'un qui a étudié, en tant qu'enseignant, il a la pédagogie pour enseigner. Il a été formé pour enseigner. Ça ne le qualifie pas pour enseigner la Bible. Lakini hii haimpatie vifaa kwa kufundisha Biblia. Ça ne le qualifie pas pour comprendre la Bible. Haimpatie vifaa kwa kuelewa Biblia. Papa Eston. Baba Eston. Jésus a dit à Nicodème. Yesu Kristo akamwambia Nicodemo. Juste une petite chose. Jambo tu kidogo. Il faut que tu naisses de. Inomba uzaliwe upya. Nicodème est embrouillé. Na Nicodemo akachanganikiwa. Et Jésus dit à Nicodème. Na Yesu anamwambia Nicodemo. Tu es docteur. Si wewe ni mwalimu. Et tu ne connais pas ces choses. Na ujui mambo haya. Nicodème. Nicodemo. Où tu as eu ton doctorat? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis sur le point de dire à quelqu'un que l'onction, c'est le certificat d'aptitude professionnelle du royaume. Wow! L'onction, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Tu peux ne pas me considérer. Tu peux ne pas avoir de respect pour moi. Mais l'onction sur ma vie fera la différence. Quand je serai en train de chanter, parce que j'ai reçu l'onction de chanter, ceux qui vont écouter mon chant, il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie. Toi, peut-être tu as fait la musique. Tu es allé aux États-Unis. Tu es allé à Londres. Tu es sorti des grandes écoles de musique. Mais tout ça là, c'est naturel. Mais, c'est les talents naturels. Mais moi, je n'ai pas beaucoup étudié, hein? Mais j'ai l'onction. J'ai l'onction. Dis à celui qui est à côté de toi, l'onction fait la différence. Dis à celui qui est à côté de toi, l'onction crée la démarcation. Dis à celui qui est à côté de toi, l'onction sépare. L'onction sépare. L'onction qualifie. L'onction équipe. L'onction outille. L'onction rend capable. Kuwezesha. dit avec moi l'onction. C'est pourquoi mana, vous et moi, nous devrons comprendre que le besoin itaji, ne doit pas être assimilé à l'appel. Na wito. C'est pas parce qu'il y a un besoin que tu vas t'auto-proclamer appelé de Dieu. Sio kwa sababu kuna kuwa itaji nipo nasema ya kwamba mimi nimeitwa na Mungu. Deuxièmement, ya pili, l'occasion ou l'opportunité n'est pas un appel. Fursa sio wito. C'est-à-dire, tu arrives dans une église. Ni kusema nafika ndani ya kanisa. Et puis, il y a pas de chantre dans l'église. Na kisha kuna mwimbaji ndani ya kanisa hiyo. Et toi, tu te souviens que quand tu chantais avant, les gens appréciaient. Na unakumbuka wewe ya kwamba ulipoimba mbele watu walifurahi. Et tu vas proposer au pasteur, est-ce que tu peux chanter à l'église? Na unaenda mwambia mchungaji, je mimi nazi ba kanisani. Tu vas faire beaucoup de bien à l'église. Utafanya vizuri sana kanisani. Mais tu peux le faire sans onction. Lakini unaweza kuifanya bila upako. Jusqu'à ce qu'un jour. Mpaka wakati siku moja. Dieu amen. Mungu analeta. Dans la même équipe de louange. Ndani ya ile tu timu ya sifa. Quelqu'un qui l'a oint. Mtu ambaye alimpaka mafuta. Quelqu'un qui l'a oint. Mtu aliyempaka mafuta. Toi tu chantais avant hein. Wewe ulikuwa naimba mbele. Sans onction. Bila upako. Lui il vient. Yeye anakuja. Il utilise le même micro. Anatumia ile mic moja. Le même équipement. Anatumia vyombo vimoja. La même sono. Anaitumia chombo moja. Mais l'impact n'est pas le même. Lakini ushawishi sio mmoja. Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia naye kuwa pembeni yako. L'onction. Upako. C'est l'impact. Inakuwa ushawishi. L'onction. Upako. C'est le résultat. Ni matokeo. C'est parce que ce qui est en train d'être fait. Parce que tout le monde peut faire ce que tu es en train de faire. Mais ce que les autres font auront le même impact que ce que tu fais. Nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin d'onction. Le besoin n'est pas l'appel. L'occasion n'est pas l'appel. Les capacités et les aptitudes naturelles ne sont pas à l'appel. Il y a quelques mois en arrière, je pense en 2018, j'étais en Côte d'Ivoire. Et il y a un de mes enfants que j'ai encadré qui est un grand entrepreneur aujourd'hui. Na moja watoto wangu ambaye nilikuwa nikimuongoza ambaye anakuwa muunda makampuni leo. Il est venu me voir, il m'a dit ah papa tu sais. Alikuja niona akaniambia baba unajua. Dans notre église. Ndani ya kanisa letu. Nous avons 40 jours de jeûne. Tunakuwa na siku 40 ya mafungo. Et le pasteur a décidé que les laïcs responsables et engagés prêchent à tour de rôle. Na mchungaji ameamua ya kwamba Wakristo watakuwa wanahubiri wakifuatana. Donc sur les 40 jours, ni kusema kwa siku zile 40. Il a reparti les prédications en semaine. Aliweka ile mahubiri kwa wiki. Chaque semaine c'est le même thème. Kila wiki inakuwa ni mada moja. Et il avait vraiment des soucis. Na alikuwa kabisa na shaka. Parce que lui partageait le même thème avec un enseignant de l'université. Sababu yeye alikuwa na mada moja pamoja na mwalimu professor university. Et toute l'église connaissait ce frère. Na kanisa lote likuwa na jua ule ndugu. Parce que chaque fois qu'il enseignait. Sababu kila mara alipofundisha. Il enseignait avec pédagogie. Alikuwa na ufundisha kabisa. Il enseignait avec manière. Et tout le monde était content. Donc il est venu me dire, papa, je ne sais pas pourquoi le pasteur m'a mis avec lui. Je ne sais pas quoi faire. Donc je lui demande, mais le sujet c'est quoi? Et il me dit le sujet. Je lui dis, ok. Il faut oublier tout ce qu'il a dit. Maintenant, développe ces 5 points. Toi, quand tu vas prêcher. Ses aptitudes pédagogiques ne peuvent pas lui permettre de trouver ces 5 points-là. C'est parce que c'est une affaire d'onction. Non, je dis à quelqu'un, c'est une affaire d'onction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et quand le professeur d'université Na wakati professeur wa university. Il a fini son tour de passage dans la semaine. Alipomaliza kufundisha ndani ya wiki. Et le frère a pris le relais. Ndugu naye akakamata sasa mitambo. Et il allait. Na kaanza. Il a développé les points. Akaanza kufundisha. Le premier jour. Siku ya kwanza. Quand il a fini. Alipomaliza. Le professeur est venu vers lui. Mwalimu anamkujia. Il lui a dit. Akamwambia. Mais on t'a jamais découvert de telles capacités. Mais à côté de ce que tu viens de dire, j'ai honte de tout ce que j'ai enseigné. Non, dis à quelqu'un, l'onction fait là. Oh, je parle à toi, dis, l'onction fait là. Dans les jours qui viennent, quand je vais parler des différentes déclinaisons de l'onction, je vous parlerai de l'onction d'achène. L'onction d'achène, c'est l'onction de prospérité. Hey, ceux qui ont cette onction sur leur vie, même s'ils prennent ça pour aller au marché, il y a des gens qui vont quitter loin pour venir acheter ça. Ils vont oublier qu'ils ont ça chez eux là-bas. Parce que l'onction fait là. Parce que l'onction fait là. Et quand nous aurons fini tout cela, nous devrons prier pour les entrepreneurs. Nous devrons prier pour les étudiants. Nous devrons prier pour les enseignants. Nous devrons prier pour les commerçants. Il va y avoir une diversité d'onction dans ce sens. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, si Dieu te parle à travers moi, acclame le Seigneur. Le besoin, itaji, c'est pas l'appel. Sio wito. L'opportunité ou l'occasion, c'est pas l'appel. Fursa ambao unapata wakati unayopata sio wito. Le désir n'est pas l'appel. Tamaa sio wito. Je peux avoir un désir mordant. Naweza kuwa na tamaa kubwa na nipeba hata nikufe nimtumikie Mungu. Vous savez, les circonstances peuvent susciter des désirs. Unajua majira naweza acha unasikia tamaa moyoni mwako. C'est pourquoi il y a de la fragilité dans nos désirs. Na ndio maana itaje tamaa zetu zinakuwa reja reja. Tu peux être désireux de quelque chose aujourd'hui. Unaweza kuwa na tamani kitu fulani leo. Et puis demain tu peux être aux antipodes de cette chose. Na kisa kesho unaanza kuona akina maana. Les gens vont te dire, mais ah, c'était toi qui voulais. Na kesho wanakuambia si wewe ndio ulikuwa unahitaji. Mais tu ne veux plus. Lakini hauhitaji tena hiyo. C'est ainsi que nous avons des frères ici. Na ndio maana. Parce que la vie au dehors. Tuna wandugu hapa wanaishi huko nje. Ne leur a pas réussi. Na maisha ikuendeka huko nje. Ils ont trop échoué. Na wameshindwa sana. Ils se sont assis. Wakaketi. Ils ont réfléchi. Na wakafikiri. Ils sont venus dire à Papa Eston. Wakakuja kumwambia Baba Eston. Je sens l'appel. Nasikia wito. S'il y a quelqu'un qui se sent concerné par ce que je suis en train de dire, kama kuna mtu ambaye anahusika na ile ninayosema, ne te sens pas offusqué. Oh, siangalie kama wanakuzibia. Dans tous les cas, moi, à la fin de la semaine, je retourne. Mwisho wa wiki mimi najirudilia. Même si tu es fâché, c'est Papa Eston qui va régler cette affaire. Hata kama unasirika, ni mchungaji Eston ndiye atatatua hilo jambo. Mais c'est dangereux d'entrer dans le ministère en prenant le sacerdoce comme une échappatoire. Inakuwa hatari sana unapoingia ndani ya huduma kama vile unatorekea ndani. Il faut faire très attention. Inaomba ufanye angalisho. C'est pas parce que tu as beaucoup échoué. Si sababu umeshindwa sana. Que tu vas t'arrêter pour dire. Ambao utasema unasema. Avec tous ces échecs là. Oui, c'est sûr que Dieu m'appelle. Akika Mungu ananiita. Wow! Ndio. Papa Eston. Il est 17h. Imefika saa 11 kamili. Ça me fait mal. Na nasikia vibaya kabisa. J'ai développé juste deux points. Nimezungumzia tu nukta mbili. L'onction consacre. Upako na weka wakfu. 17h30. Merci papa. Asante. C'est important. Ni ya muhimu. La clé pour entrer dans le ministère. Funguo kwa kuingia ndani ya huduma. La clé pour entrer dans le sacerdoce. Funguo kwa kuingia ndani ya ukuhani. Ça s'appelle l'onction. Hein? Inaitwa upako eh. Si tu l'as pas. Kama una upako. Tu entres. Unaingia. Personne ne te dira n'entre pas. Hakuna atakaye kukataza usiingie. Sauf que un an après. Lakini mwaka moja baadaye. Deux ans après. Miaka mbili baadaye. Tu vas regretter. Wewe mwenyewe utajuta. Parce que le ministère pèse lourd. Sababu utume na kuwa ni msiba. Les exigences du ministère. Masuti za huduma. Sans onction tu vas fuir. Bila upako utakimbia. Que quelqu'un dise pasteur prêche. Mtu aseme mchungaji hubiri. Troisièmement, ya tatu, l'onction confère des droits. L'onction confère des droits. Inapana haki. L'onction confère des droits. Upako inapana haki. Et une portion de l'autorité de Dieu à l'homme. Na sehemu ya mamlaka ya Mungu kwa mwanadamu. Toute personne que Dieu oint, kila mtu ambaye Mungu anampaka mafuta, Dieu lui accorde une portion de ses droits et de son autorité. Mungu anampatia sehemu ya haki zake na mamlaka yake. Je reprends. Ninarudilia. Dites avec moi l'onction. Sema pamoja na miupako. Confère. Inapana. Des droits. Haki. Et une mesure de l'autorité. Na kipimo cha mamlaka de Dieu. Ya Mungu. C'est très important. Hein? Ni ya muhimu sana. Je vais vous expliquer. Nitawafasiria. Regardez. Tazama. Qu'est-ce que j'ai dit? L'onction fait quoi? Nimesema nini? Upako nafanya nini? Prenons Lévitique 7. Tu te crois kitabu cha Walawi sura 7. Lévitique 7. Walawi sura 7. Je veux juste chercher le verset précis pour ne pas pour sauver le temps en fait. Nitatafuta tu shahili la muhimu sana ili ni gomboe muda. Mais autrement c'est pas grave à partir du verset 29. 29. Parle aux enfants d'Israël. Wambie wana wa Israeli. Et dit, na wambie, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce, atakaye mtolea Bwana sadaka yake ya shukrani, apportera son offrande à l'Éternel, ataleta sadaka yake kwa Bwana Mungu, prise sur son sacrifice d'action de grâce, ambayo imechukuliwa juu ya sadaka yake, il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel, na ataleta ile ambayo inapaswa unguzwa kwa moto, il apportera la graisse avec la poitrine, na ataleta mafuta pamoja la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel, kifua kwa ajili ya kukitikisa huko na kule mbele ya Bwana Mungu, le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Na kuhani atachoma ile mafuta juu ya madhabahu na kifua itakuwa kwa ajili ya Aaron na wanawake. Dans vos sacrifices d'action de grâce, ndani ya zabihu za shukrani zenu, vous donnerez au sacrificateur, mtampatia kuhani, l'épaule droite, bega la kuume, en la présentant par élévation, ukionyosha ukiinua, celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce, na kwa wana wa Aaron utatoa damu na mafuta ya zabihu ya shukrani, aura l'épaule droite pour sa part. Atakuwa na ile bega ya kuume kwake. Car je prends plaisir, je prends sur les sacrifices d'action de grâce offert par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi éternelle, perpétuelle, qu'observeront les enfants d'Israël. Maana ninachukua toka ile sadaka ya shukurani ile kifua ambao wametikisa. Verset 35. Kwa sura mstari wa 35. Verset 35. Makumi 35. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera. Hii ndiyo haki ya upako wa Aroni na wana wake itakayopatia. L'onction donne des droits. Upako inapana haki. Dis avec moi, l'onction donne des droits. Sema pamoja nami upako inapana haki. Ce qu'aucun Israélite ne pouvait toucher. Ila ambayo hakuna Mwisraeli angepasha kugusa. Parce que ça a été apporté à l'Éternel. Sababu ili l'onction donne droit à Aaron et à ses fils. Upako napata de toucher à ça. Quand le peuple d'Israël, sous le on va dire le gouvernement de Samuel, alors que Samuel était vieillissant, demande à Samuel de dire à Dieu que eux ils veulent un roi. Dieu leur dit, je fais bref, Dieu leur dit, vous demandez un roi, mais vous ne savez pas ce que l'onction royale confère comme droit au roi sur vous. Et en étudiant la Bible, on découvre que l'onction sacerdotale confère des droits aux sacrificateurs. Et l'onction royale confère des droits au roi. L'onction royale confère au roi sept droits. Sept droits. 1 Samuel 8. Samuel wa kwanza sura 8. Samuel wa kwanza sura 8. L'onction confère. Il y a un E à la fin. Mweketi kwa mwisho. Ah, c'est une faute d'orthographe grave. Inakuwa kabisa ni kosa la kuandika ambalo ni ngumu. On sent qu'il n'a pas bien étudié sa grammaire à l'école. Hakusoma vizuri grammar yake shuleni. Oh, c'est juste pour te taquiner. Ni kwa kuchokoza tu. 1 Samuel 8. Samuel wa kwanza sura 8. J'étais en train de parler de quoi? Nilikuwa nikisema nini? Le droit, haki, et l'autorité na mamlaka que confère l'onction. Ambao upakwe na Bwana. Selon que c'est une onction sacerdotale, kufatana jinsi ni l'onction te donne des droits par rapport à cette fonction. Upakwe na Bwana, haki kufatana. Selon que c'est une fonction royale, kama ni upako, l'onction te donne des droits. Upakwe na kupatia haki. 1 Samuel 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juge sur Israël. Et son fils dit, on va aller au verset 9 pour gagner du temps. Au verset 9. Écoute donc leur voix. Mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le droit du roi. Sept droits. On va les voir rapidement. Sept droits. On y va. Le premier droit que le roi aura. Verset 11. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Premièrement, il prendra vos fils et il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses champs, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Premier droit du roi. Deuxième droit du roi. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Premièrement, il prendra vos fils. Deuxièmement, il prendra vos filles. Troisièmement, il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Cinquièmement, c'est bien ça? On reprend. Premièrement, il prendra vos fils. Deuxièmement, il prendra vos filles. Troisièmement, la meilleure partie de vos. Quatrièmement, verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Et la donnera à ses serviteurs. Cinquièmement, premièrement, il prendra vos fils. Deuxièmement, il prendra vos filles. Troisièmement, et la meilleure partie de vos champs. Quatrièmement, vos dîmes. Cinquièmement, il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos meilleurs bœufs. Sixièmement, verset 17, il prendra la dîme de vos. Septièmement, et vous-même, vous serez ses. Voici les sept droits du roi. Tazama haki saba ya mfalme. Les sept droits du roi. Haki saba ya mfalme. Écoutez-moi très bien. Unisikilize vizuri. Et Dieu dit, na Mungu akasema, quand le roi fera ça, wakati mfalme atafanya, ça va vous faire mal. Itawaumiza. Vous allez venir vers moi. Mutanijia. Vous allez crier. Mutalia. Pour dire que le roi vous dépouille. Unasema mfalme moi, l'Éternel. Mimi Bwana. Je ne vous écouterai pas. Sitawasikiliza. Pourquoi? Sababu gani? Parce que l'onction royale, sababu pako wa kifalme, lui donne, inamupatia. Je suis en train de vous parler nikona wambia, du potentiel de l'onction, tu ya utajiri wa upako, des capacités de l'onction, tu ya uwezo wa upako, et du ministère de l'onction. Na tu ya huduma ya upako. Quatrièmement, l'onction confère à l'homme une mesure des capacités divines. Ça veut dire quoi? Ce que seul Dieu était capable de faire. Quand il décide de te donner une onction, il te rend capable de faire ce que seul lui pouvait faire dans ce domaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, est-ce que vous savez qu'au ciel les anges chantent? Non. Est-ce que vous savez que les anges ont une chorale? Les anges adorent. Lucifer était le chef d'orchestre de la chorale. N'est-ce pas? Donc les anges chantent. Le jour où on entendra des anges chanter, ce sera comme si on n'a jamais entendu de chant. Quand le mouvement des assemblées de Dieu est arrivé en Côte d'Ivoire, le premier village où les missionnaires des assemblées de Dieu sont entrés s'appelle Kataji. Retiens le nom, c'est une information. Kataji. Alors, tout le village a été converti au Seigneur. Le réveil était tel que tout le village a été gagné au Seigneur. Depuis le chef du village jusqu'au dernier citoyen du village. Donc, le jour de culte, c'est tout le village qui est au culte. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une atmosphère incroyable dans le village. Quand les paysans allaient au champ, pendant qu'ils sont en train de labourer, ils entendent des cantiques. Ils se retournent. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de magnéto. Il n'y a rien comme sonorisation. Mais il y a des cantiques qu'ils entendent. Et puis il y a d'autres paysans qui racontent. Nous étions au champ et il y a des anges qui sont venus nous rendre visite. Les enfants sont en train de jouer et il y a des anges qui viennent. Parce que l'atmosphère du village était gouvernée totalement par Dieu. Donc le ciel était en connexion permanente avec ce village. Et des fois, lorsque les parents allaient à l'église, kanisani. La chorale est comme paralysée. Kwaya inakuwa kama. Et ce sont les anges qui fredonnent des chants. Wete na kisha ni wa malaika ndio wanaanza kuwaimbia. Et pendant que les anges chantaient, wakati wa malaika wanapoimba, des gens guérissaient. Watu wanapona. Des paralytiques marchaient. C'était extraordinaire. Ilikuwa ni hatari. Mais cette capacité, lakini uwezo huo, Dieu peut donner ça à quelqu'un. Mungu anaweza kuupatia mtu. Vous savez, l'onction unajua upako est en Dieu. Iko ndani ya Mungu. Le jour Dieu décide, c'est kwamba Mungu anaamua de donner une onction, apane upako moja quelconque, ambayo inaweza kuwa ya aina gani, à maman Rosette, kwa mama Rosette, l'onction, cette onction spécifique là, ile upako wa upekee huo, vous allez comprendre. Mutaelewa. Quelqu'un peut dire papa prêche. Kuna anayeweza kusema baba ubiri. Regardez. Tazama. Cette onction là. Ile upako. Sort de Dieu. Inatoka ndani ya Mungu. Et va sur elle. Na inaenda juu yake. Quand l'onction sort de Dieu. Wakati ile upako inatoka ndani ya Mungu. C'est un risque que Dieu a pris. Ni inakuwa hatari ambayo Mungu amekubali kupitia. Sababu Mungu hawezi kuitoa tena. Mais à partir de l'instant, lakini kupitia ile wakati, où l'onction qui sort de Dieu, ambayo ile upako inatoka ndani ya Mungu, toucher sa vie, itagusa maisha yake, elle va commencer à faire des choses, atakapoanza kutenda mambo, qu'elle n'a jamais fait, ambayo haja kufanya hata moja, siku ambayo Samuel a oué Saül, ambayo Samuel alimpaka Saulo, Saül lui a donné des signes, Saulo alimpatia, il lui a donné trois signes, alimpatia alama tatu, et parmi les trois signes, na miongoni mwa alama tatu, il lui a dit tu vas rencontrer des gens, hein, akamwambia utawakutana na watu, l'esprit de Dieu va tomber sur toi. Tu vas les rencontrer en train de prophétiser. Toi, depuis que tu es né, tu ne sais pas ce que c'est qu'une prophétie. Mais maintenant, il y a l'onction sur ta vie. Mais cette onction-là, il a un élément prophétique en lui. Et Saül quitte Samuel. Et en chemin, il rencontre des prophètes. Et Saül commence à parler en langue. Saül commence à prophétiser. Je dis simplement ceci. L'onction de Dieu nous confère des capacités qui jusque-là, jusqu'à ce que l'onction soit libérée, n'appartenait qu'à Dieu. Une fois que Dieu libère ça, ça dit Dieu te rend capable de faire ce que seul lui pouvait faire avant de donner l'onction. Je ne sais pas si vous saisissez cela. C'est pourquoi c'est un privilège d'être oint. C'est un privilège d'être oint. Dites-moi, premièrement, qu'est-ce que l'onction fait? Premièrement, l'onction. Deuxièmement. Là, vous êtes en train de murmurer. Hein? Non, premièrement, l'onction. Deuxièmement. Troisièmement. Bon, je dis amen quand même. Nous sommes à quel point? J'ai développé combien de points? Premièrement. Ya kwanza. Deuxièmement. Ya pili. Troisièmement. Ya tatu. L'onction confère des. Quatrièmement. Ya ine. L'onction nous confère des capacités qui jusque-là appartenait à Dieu. Jésus a soufflé sur ses disciples. En fait, les disciples, Jésus a soufflé sur ses disciples. Avant ça, les disciples étaient des spectateurs. Quand une journée missionnaire prenait fin, et qu'ils rentrent à la maison, ils disaient, mais comment il fait? Et puis les malades sont guéris. Et puis les démons sont chassés. Comment il fait? En Luc chapitre 10, il envoie 70. Il a donné une onction avant l'avènement du Saint-Esprit. Avant l'effusion du Saint-Esprit. Les disciples vont au nombre de 70. Quand ils reviennent, ils sont éberlués, émerveillés, et ils disent, Seigneur, En fait, ils étaient sur le point de dire ce que tu faisais là. Nous aussi, on a fait. Mais qu'est-ce qu'il voyait le Seigneur faire? Il le voyait guérir. Il le voyait chasser des démons. Il le voyait faire parler les muets. Faire entendre les sourds. Mais il ne pouvait rien faire de tout cela. Il n'avait que les yeux pour contempler. Et le Seigneur libère un peu d'onction sur eux. Et ils vont. Et ils reviennent. Ils disent au Seigneur, mais nous aussi on a chassé des démons. Alléluia! Que durant cette convention, Dieu te donne une portion de sa capacité. Je refuse cet amen-là. Que Dieu te donne une portion de sa capacité. L'onction, c'est le partage de capacité de Dieu avec l'homme. Sixièmement. Hein? Combien? Ah, cinquièmement. Vous êtes sûr? Premièrement, l'onction consacre. Deuxièmement, l'onction officialise. Troisièmement, l'onction donne des droits. Quatrièmement, ok. Ok. Oh, non, vous savez que vous êtes bien. Cinquièmement, l'onction enseigne. L'onction enseigne. Il y a un pasteur qui a reçu un pasteur dans son église. Parce qu'il a entendu parler de ce pasteur. Et il a invité dans son église. Et le pasteur a dit des bêtises aux chrétiens. Ça fait beaucoup de dommages dans l'église. Et le pasteur qui a invité cet autre pasteur, allez voir le pasteur Kenneth Hagin. Il lui a dit, mais le type là, il est venu. Il a dit des bêtises. C'était un faux prophète. Un faux docteur. Suivez-moi. Kenneth Hagin lui dit, mais est-ce que tu l'avais une fois entendu enseigner? Il dit oui. Il dit, mais tu, même si tu l'as entendu enseigner une seule fois, tu n'as pas pu te rendre compte que c'était un faux prophète. Il dit, non, je ne le connaissais pas. Dans le même temps, quand le pasteur a commencé son séminaire dans l'église du pasteur, quand le faux prof, le faux docteur, il a commencé dans l'église du pasteur, il y avait une sœur en Christ. Dès les premiers versets, la sœur a pris ses affaires, elle est sortie. Donc, tout ce qui a suivi, elle n'a pas entendu. On finit par joindre la sœur. Et on lui demande, pourquoi tu es sorti? Elle a dit que pendant qu'il était en train de prêcher, la voix de l'onction à moi s'opposait à sa voix. Je vais vous dire une chose. Un chrétien ne peut pas être séduit. Je ne parle pas d'un sympathisant de l'église. Je parle de ceux qui sont authentiquement nés de nouveau. Une des marques distinctives d'un enfant de Dieu, c'est que dès le premier jour où son nom est enregistré dans le livre de vie, l'onction de Dieu vient s'asseoir en lui. De sorte que, même si on lui dit « Prends Nahum », il ne sait pas où se trouve Nahum. Il n'a jamais ouvert la Bible. Mais l'onction en lui. Si un pasteur vient pour prêcher, s'il fait attention à l'onction, pendant que le pasteur prêche, si ce que le pasteur dit est faux, qui vient de se convertir il y a deux jours, il sent une gêne en lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il n'est pas capable de faire une bonne lecture de cette gêne. Mais quoi qu'il en soit, il va être dérangé. Et puis il va se livrer à la distraction pendant que le pasteur prêche. Et puis quand il va sortir, il va dire: je n'ai rien reçu. La Bible dit que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Vous notez bien, s'il était, ça veut dire qu'il n'est pas, les appelés peuvent être séduits, mais pas les élus de Dieu. Là, le nombre que nous sommes ce soir, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais il y a beaucoup d'appelés au milieu de nous. Hein. Et il y a beaucoup d'élus. Les appelés sont différents des élus. Jésus viendra enlever les élus. Mais les appelés ne seront pas enlevés. Quand Israël sortait de l'Égypte, il n'y a pas que les Juifs qui sont sortis. Il y a des Égyptiens qui les ont accompagnés pour grossir le nombre. Pour grossir le nombre, pour dissuader les animaux du désert. Donc il y a des gens qui sont là pour grossir notre nombre. Mais ils n'ont pas les caractéristiques des élus de Dieu. Écoute-moi très bien. Tous les élus de Dieu ont l'onction de Dieu en eux. Personne ne peut les tromper. Personne ne peut les tromper. Un faux prophète d'une grande le nommé va venir à Goma. Tout le monde sera séduit sauf toi. Parce que tu es un élu de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un Jean dit: l'onction qui est en vous vous enseigne. L'onction enseigne. Sixièmement. Wow. Sixièmement. L'onction détermine le périmètre de notre appel. Je l'ai déjà dit, mais c'est important, écoutez. L'onction détermine le périmètre de notre appel. L'onction associe à notre appel des exigences qui lui sont spécifiques. Regardez. Tazama. Il y avait l'onction sur Samson. C'était un appel particulier. Vous savez que quand Samson a grandi, il a fait quelque chose qu'aucun Israélite n'a fait avant lui. Il a dit à son père et à sa mère que lui, il est tombé amoureux d'une fille chez les Philistins. Une fille chez les Philistins. Ses parents lui ont dit: nous ne devrons pas épouser une incirconcis. Quelqu'un qui est circoncis. Non. Apana. Toi, tu es circoncis. Wewe. Tu es fils d'Abraham. Umetairiwa ni mwana wa Abraham. Au nom de l'onction qui est sur toi, kwa jina upako tu veux nous amener chez les Philistins. Unapenda utupeleke kwa wa Philistini. Juge verset 14. Wa amzi sura 14. La Bible dit, Biblia nasema, son père baba yake et sa mère na mama yake ne savaient pas walikuwa wajui que cela venait de Dieu. Ya kwamba hii ilitokea kwa Mungu. Vous voyez l'onction? Unaona upako? Est-ce que je peux prêcher? Je naweza kuhubiri. Personne n'avait le droit d'aller prendre une fille parmi les incirconcis. Mais les exigences de l'onction de Samson lui autorisaient de faire ça. Lakini masuti ya upako wa Samson ilikuwa inamruhusu afanye hiyo. Pourquoi je souligne ça? Sababu gani naweka kisa hiki? Parce qu'il y a des gens qui disent mais Samson a pris une fille parmi les Philistins. Lakini juu ya kuna watu wanaosema Samson alimchukua. Est-ce que tu as l'onction de Samson? Juu ndani ya wana wa Filistini. Jao huko na upako wa Samsoni. L'onction de Samson c'était quoi? Upako wa Samsoni ilikuwa nini? L'onction de Samson ne le positionnait pas pour servir en Israël. Upako wa Samsoni ilikuwa imweka atumikie ndani ya Israeli. L'onction de Samson, ou pas quoi, Samson le positionnait pour servir parmi les Philistins pour les détruire et les juger. Il mshimika ili aenda akawahukumu na kuangamiza wa Filistini. Et la meilleure façon d'entrer parmi eux, na namna nzuri ya kuingia katikati yao, c'est de prendre une de leurs filles. Ilikuwa ni kuchukua mmoja wapo wa binti zao. Son père et sa mère ne comprenaient pas. Na baba yake na mama yake hawakuelewa. Pourquoi tu vas là-bas? Lakini sababu gani? Est-ce qu'il n'y a pas de filles en Israël? Je hakuna mabinti Israeli. Et Dieu dit, na Mungu anasema, son père et sa mère baba yake na mama yake ne savent pas hawakujua que cela venait de l'Éternel. Ya kwamba hii ilitokea kwa Mungu. L'onction a ses exigences. Upako inakuwa na masharti. Vous vous rappelez? Mnakumbuka? Le jeune prophète et le vieux prophète. Nabi mzee na nabi kijana. Le jeune prophète. Nabi kijana. Il était prophète au même titre que le vieux prophète. Alikuwa nabii kama vile nabii mzee. Sauf que les deux onctions prophétiques n'avaient pas les mêmes exigences. Lakini ile upako mbili ya kinabii haikuwa na sharti moja. Pour faire bref, le jeune prophète va rendre visite au vieux prophète. Kwa kifupi huu nabii kijana atamtembelea nabii mzee. Et avant de partir, le vieux prophète lui propose à manger. Na mbele ya kwenda nabii mzee anamwambia kule. Et le jeune prophète dit non, Dieu m'a dit de ne pas manger. Na nabii kijana anamwambia hapana, Mungu alinikataza. Le prophète dit ainsi par l'Éternel. Et le jeune prophète a tenu compte de son expérience. Et il s'est assis. Et il a mangé. Si vous lisez ce texte, il est dit que le vieux prophète mentait. Il a inventé une prophétie sur le fondement de son expérience. Par manque de discernement, le jeune prophète a mangé. Ce qui m'attriste chaque fois que je lis ce texte, dès qu'il finit de manger, le vieux prophète lui dit, tu es un rebelle. Tu as désobéi aux exigences de ton onction. Tu ne mangeras plus jamais dans ta vie. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne seras même pas enterré dans la ville de tes pères. Et la Bible dit, quand il quitte le vieux prophète, il rencontre un lion en chemin et le lion le dévore. Si personne ne respecte ton onction, respecte ton onction. Respecte ton onction. Ton onction a des exigences que seul toi tu es comptable. Toi seul es comptable des exigences de ton onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Septième chose. Septième chose. Non, c'est quoi? Sixième ou septième? Septième. Vous m'avez mélangé, hein? Non, il y a quelque chose que je dois dire. Après, on va recalculer. Hein? Mais, je ne sais plus si. Bon, on va dire 6B. Sita semu ya pili. L'onction protège. Upako ina linda. Ah, ouais, je comprends. Je comprends maintenant. Naelewa sasa. L'onction protège. Upako ina linda ina kinga. Dis à quelqu'un, l'onction protège. Sema pa mwambie mtu upako na kinga. Je vais vous dire une chose. Tasema jambo moja. Là où je suis. Mali nilipo. Là où je suis. Mali nilipo hapa. Invité par Papa Stone. Nimealikwa na Papa Stone. Je bénéficie d'une protection à 100% de la part de Dieu. Ninafaidia ukingo asilimia mia kutoka kwa Mungu. Parce que je perds dans mon ministère. Sababu ninatumika ndani ya huduma yangu. Je suis pas hors de bon appel. Siko nje ya wito wangu. Je suis dans mon appel. Niko ndani ya wito wangu. Chaque fois que tu restes dans le périmètre de ton appel, kila mara unapobaki ndani ya uwanja wa wito wako, l'onction te protège. Upako na kulinda. Si tu sors du périmètre de ton appel, ukitoka ndani ya uwanja wa wito wako, le diable peut te frapper et Dieu va croiser les bras. Satan atakupiga. Peu et on va dire, et on va dire, mais c'est un chrétien. Comment les sorciers ont pu le frapper? Ce n'est pas parce qu'il est chrétien. S'il est chrétien et qu'il a désobéi aux exigences de son onction, il a créé des brèches. La Bible dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. L'onction protège. Maman Rosette, c'est parce que l'onction protège que le psaume 105 dit, ne touchez pas à mes... Ne touchez pas à mes oins. Tout ce que j'ai oint là, ne les touchez pas. Hein? David avait compris ça. Il avait Saül à portée de main. Il pouvait le tuer. Mais il dit jamais. Si je touche Saül, j'ai touché à l'onction sur sa vie. Faites attention, quand vous rencontrez quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est oint pour le ministère, même s'il fait n'importe quoi, ne dites rien. Dieu dit, mon serviteur, s'il tombe, s'il est debout, c'est mon affaire. Il y a des gens qui se font passer pour des juges des hommes de Dieu. Non, il ne faut pas juger quelqu'un qui a l'onction. Parce que c'est une affaire entre Dieu et lui. Samson avait l'onction. Samson n'a pas respecté les exigences de son onction. Maintenant que quelqu'un dit papa prêche, écoutez-moi très bien. Samson n'a pas respecté les exigences de son onction. Mais Dieu ne retire jamais l'onction. Les Philistins l'ont arrêté. Ils ont crevé ses yeux. Et puis, il était là. Il était devenu un objet de divertissement. Ce que les Philistins n'ont pas su, c'est que Dieu n'a pas arraché l'onction. Ses cheveux ont commencé à. Et ils étaient aveugles, ils n'ont pas vu que ses cheveux ont poussé. Parce que c'est quand ils ont rasé ses cheveux qu'ils ont pu l'arrêter. Maintenant, vous voyez que ses cheveux sont en train de pousser. Rasez-le encore. Ça s'appelle l'orchestration divine. Je veux terminer. L'onction n'échoue jamais. L'onction n'échoue jamais. Regardez. Tazama. À cause des bêtises de Samson, Samson, il devrait échouer. Mais vous savez quoi? Quand il était en train de divertir les gens, dis avec moi, l'onction n'échoue pas. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, notre papa Eston, qui le veuille ou qui ne le veuille pas, soit un de ses enfants ou un de ses petits-enfants ou un de ses arrière-petits-enfants servira le Seigneur. Parce que l'onction qui est tombée dans sa famille ne va plus jamais quitter sa famille. Écoutez-moi très bien. L'onction ne déménage pas. Alléluia. Amen. L'onction ne déménage pas. Ne jouez pas avec l'onction. Regardez. Quand Élie devrait partir, il ne pouvait pas partir avec son onction. Amen. Il a mis son onction sur qui? Sur Jean. Sur Élisée. Mais cette onction qui était sur Élisée, c'était l'onction de qui? C'était l'onction d'Élie. Mais vous savez que l'onction de lui n'a pas quitté la terre. Je mnajua kwamba upako wa Elia kutoka dunia. Malachi dit. Malaki anasema. Jean exercera son ministère. Yohana tafanya huduma yake. Dans l'office d'Elie. Ndani ya kazi ya Elia. Il sera comme le prophète Elie. Atakuwa kama nabii Elia. L'onction qui était sur Elie. Ni kusema upako uliokuwa juu. Qui est venu sur Élisée. Ilikuja juu Elisha. Il a mis ça sur Jean-Baptiste. Na Mungu akaiweka juu Yohana Mbatizaji. Mais Jean-Baptiste n'est plus. Donc l'onction là va partir. Non, l'onction ne partira pas. Jésus était sur le mont de la transfiguration. Il était avec Pierre, Jacques et Jean. Et puis pendant qu'il parlait, il y avait Élie qui est descendu. Et il y avait Moïse qui est descendu. Et le Seigneur dit, Élie va revenir. Mais il va revenir pour prêcher. Pourquoi il va revenir? Parce que les Juifs croient en deux prophètes. Plus que n'importe quel prophète. Moïse et Élie. Mais quand il va revenir, il faut qu'il ait l'onction. Son onction n'est pas encore partie de la terre. Son onction est là. Je suis allé en Israël. J'ai visité le jardin de Gethsémané. On avait un guide. Et pendant que nous étions en train de visiter le jardin de Gethsémané, on arrive au pied de l'olivier où Jésus s'est assis pour prier à trois reprises. Dans le jardin de Gethsémané. Et le guide d'un juif, il nous dit que c'est l'olivier là qui est là. Donc l'olivier là a combien d'années d'existence? Et il nous dit qu'en fait l'olivier fait partie des espèces végétales les plus durables. Un olivier peut vivre pendant 2000 ans. Pourquoi? Parce que quand l'olivier est en train de mourir, il y a toujours un autre olivier qui pousse à sa place. Quand le guide était en train de nous expliquer ça, lui il expliquait juste le phénomène de l'olivier. Et le Saint-Esprit me disait, écoute-le très bien. On oint les serviteurs de Dieu avec quoi? Avec l'huile d'olive. Et le Seigneur me dit, tu sais pourquoi? Parce que l'huile d'olive symbolise l'onction. Et une fois que l'onction pénètre une famille, le pasteur peut mourir. Mais l'onction va pour se promener dans la famille. Papa Eston. Papa Eston. Même tous tes enfants peuvent être des ingénieurs en informatique. Mais il y a un qui va revenir au pied du Seigneur. Parce que l'onction ne déménage jamais. J'étais en train de vous dire, frères et sœurs, que l'onction n'échoue pas. On a étudié que Élie a fait 8 miracles majeurs. Et Élisée a reçu la double onction d'Élie. Par conséquent, si Élie a fait 8 miracles majeurs, Élisée devrait en faire 16. En étudiant la Bible, on se rend compte que Élisée n'a fait que 15 miracles. Je vais juste finir là. Et puis il meurt. Mais quand il meurt, on va l'enterrer. L'onction ne ment pas. L'onction ne choue pas. Son patron a fait 8 miracles. Il a reçu 2 fois l'onction de son patron. Et il n'a fait que 15 miracles. Et il a quitté la terre. Mais un jour, quelqu'un meurt en Israël. Et on va enterrer la personne. Et les gens se sont trompés des caveaux. Et au lieu de mettre dans le caveau de ses parents, ils l'ont mis là où ils ont enterré Élisée. Quand le mort a touché Élisée, Élisée squelette, Élisée ossement, quand le mort a touché Élisée, le 16e miracle, l'onction ne choue pas, l'onction ne choue pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le sous-thème de ce soir m'a permis de décliner ces éléments qui émanent du potentiel des capacités et du ministère de l'onction. Demain, Dieu va nous conduire dans une autre coudée. Que le Seigneur vous bénisse.